Chapitre 6. Autant Souper avait été irrégulier dans ses leçons, autant Nicetta s'était exacte dans les siennes. Si l'un avait toujours été en retard, l'autre était toujours en avance. Quand il arrivait ainsi trop tôt, il demandait au concierge de ne pas l'annoncer par un coup de cloche, et se glissant par la petite grille entr'ouverte, il se promenait en attendant son heure dans les jardins. Lady Cappadoce, le voyant alors errer à petits pas, la tête tournée vers le château, s'attendrissait sur lui. « Le pauvre garçon, se disait-elle, il rêve au château de ses pères. » Et par la pensée, elle s'envolait sur les bords de la Neva, où elle avait décidé, sans aucune raison pour cela bien entendu, que devait se trouver ce château. Comme il doit souffrir de cette misérable vie de musicien, en la comparant à celle de ses frères, et jamais une plainte, jamais une allusion, le stoïcisme. Elle trouvait que par là, il se rapprochait d'elle, qui jamais non plus ne faisait allusion à ses grandeurs déchues, et cette ressemblance le lui rendait plus sympathique encore. Elle eût voulu lui offrir les consolations d'un cœur qui avait passé par ses épreuves. Mais comment ? Il portait si dignement le malheur. Ne pouvant rien pour lui, franchement, elle s'ingéniait par de petits moyens détournés à lui prouver qu'une femme qui avait, elle aussi, du sang royal dans les veines, elle descendait des rois d'Écosse incontestablement, compatissait à son infortune et qu'il n'était pas seul. Quand il arrivait par un temps froid, elle veillait à ce qu'il se réchauffât avant sa leçon. Quand c'était par une journée de soleil, elle lui faisait servir des rafraîchissements, quoi qu'il fît pour s'en défendre, tout cela accompagné de bonnes paroles, de câlineries, de cajoleries. Une mère n'eût pas eu plus de prévenance avec un fils. Dans son élan de compassion, elle eût souhaité que Ghislaine s'associât à elle, sinon avec la même franchise, au moins avec une sympathie secrète. Malheureusement, Ghislaine ne voyait dans Nicétas qu'un professeur comme les autres, moins ennuyeux que certains autres, parce qu'elle aimait l'art qu'il enseignait, mais c'était tout. Si, lorsqu'il entrait, elle l'accueillait toujours avec plaisir, ce plaisir était simplement celui d'une musicienne heureuse de jouer avec un artiste de talent. Elle n'avait aucune arrière-pensée. Elle ne se doutait pas que cet artiste, réduit à toucher un cachet, était un Romanov. Comment l'idée lui en serait-elle venue ? Ce n'était pas à une jeune fille de son âge, élevée comme elle l'avait été, qu'on pouvait parler des hontes de cette illustre origine. C'était le lundi et le vendredi que Nicétas venait à Chambray. Le vendredi qui suivit l'émancipation de Ghislaine, il arriva comme toujours en avance. L'heure de la leçon était 3 heures. Un peu après la demie de 2 heures, Lady Cappadoce l'aperçut se promenant dans le jardin. En apparence, il donnait toute son attention aux fleurs des plates-bandes, mais en réalité, il tournait assez souvent la tête vers le château pour qu'on devinât sa préoccupation. Il pensait à la Neva. La journée était brûlante. D'un ciel bleu vaporeux, pommelé de blanc, tombait une chaleur lourde qui le força à s'abriter dans un berceau d'if taillé ras, et là, ne se sachant pas observer, il resta la tête franchement levée sur l'aile du château qu'il avait devant lui, celle habitée par Ghislaine. De la fenêtre derrière laquelle elle était, Lady Cappadoce ne lui voyait point les yeux, cachés qu'ils étaient comme toujours par les cheveux rabattus sur le front, mais à l'attitude générale, on pouvait suivre sa pensée. Chambray lui rappelait le château de la Neva, et en l'observant avec cette fixité, il revivait, le pauvre jeune homme, les années de sa jeunesse, celles qu'il avait passées dans les joies de la famille et la paix du cœur auprès de son père, entre ses frères et sœurs. Au coup de 3 heures, il se leva, et après avoir secoué sa longue chevelure emmêlée et l'avoir arrangée avec ses doigts sur son cou et sur son front, il se dirigea vers le château. Aussitôt, Lady Cappadoce descendit pour être auprès de Ghislaine quand il entrerait. Elle était toujours bizarre, cette entrée, et étudiée pour produire un effet quelconque. Tantôt il paraissait tomber du ciel, engourdi dans un ravissement séraphique. Tantôt, au contraire, on aurait pu croire qu'il surgissait directement de l'enfer, désespéré. Ce jour-là, c'était la période du recueillement. Après avoir adressé une longue et basse inclinaison de tête à Ghislaine sans prononcer un mot, une autre un peu moins longue et moins basse à Lady Cappadoce, il tira son violon de la boîte dans laquelle il dormait depuis 3 jours, l'accorda avec soin et se mit à son pupitre. Alors seulement il daigna ouvrir les lèvres. « Quand vous voudrez, mademoiselle. » La séance devait se composer de deux parties, l'une réservée au déchiffrage, l'autre à l'exécution de morceaux déjà travaillés. Ce fut par le déchiffrage qu'ils commencèrent. Et comme pendant les hésitations, les arrêts, les reprises, Lady Cappadoce pouvait se laisser distraire par les choses extérieures, elle remarqua bientôt que le ciel se couvrait et que le vent s'était élevé. Un orage ? Mais alors elle aurait un prétexte pour retenir Nicétas et prolonger la musique de 2 heures au moins. Cependant, avec sa prudence accoutumée, elle ne dit rien tout de suite. Ce fut seulement quand les roulements du tonnerre se rapprochèrent qu'elle prépara son invitation. « Est-ce que votre soirée est engagée aujourd'hui ? » demanda-t-elle entre deux morceaux. « Non, madame. » « C'est heureux, car je crains bien que vous ne puissiez pas partir à votre heure habituelle. Je crois que nous allons être assaillis par un orage terrible. » Il ne répondit rien, mais si elle l'avait observé d'un peu près, elle aurait remarqué qu'il attachait sur Ghislaine un regard dont l'expression était pour le moins étrange. Les coups de tonnerre éclatèrent de plus en plus fort. L'obscurité s'épaissit, les nuages que roulait le vent crevèrent en une trombe d'eau. Ghislaine s'arrêta de jouer. « Décidément, dit Lady Cappadoce, vous ne pourrez pas partir. » Mais Ghislaine, qui avait depuis longtemps deviné les malices de sa gouvernante et trouvait qu'il était peu délicat de payer d'un dîner les heures prises de cette façon, voulut intervenir. « Si vous avez besoin de rentrer à Paris, dit-elle, on fera atteler pour vous reconduire à la gare. »« Je n'ai nullement besoin de rentrer. Personne ne m'attend. »« Alors nous vous gardons à dîner, dit Lady Cappadoce. »« Mais madame, c'est entendu. » Elle sonna pour qu'on transmît ses ordres au maître d'hôtel. L'orage qu'elle avait annoncé terrible fut au contraire assez faible. Les roulements du tonnerre s'éloignèrent, la pluie cessa, et Nicétas aurait très bien pu repartir pour la gare à son heure habituelle. Mais puisqu'il avait promis de rester, il n'était pas décent qu'il reprît sa liberté. Aussi, quand la séance de travail fut finie, eut-elle la joie de se faire jouer jusqu'au dîner les morceaux qu'elle demandait. Ce n'était pas seulement pour Nicétas que Ghislaine trouvait les artifices de sa gouvernante désagréables et mauvais. C'était aussi pour elle-même. Tant que durait la leçon, elle était parfaitement à son aise. Tout à la musique qu'elle jouait, elle ne voyait en lui que l'accompagnateur, et il réalisait toutes les qualités qu'elle pouvait désirer. C'était bien l'artiste de talent, de grand talent, le musicien que Soupère avait recommandé. Mais à table, l'artiste devenait un invité comme un autre, un monsieur quelconque. Et cet invité, ce monsieur la mettait mal à l'aise. À table, elle ne se laissait pas emporter comme au piano. Elle avait tout son calme, sa raison. Et ce qu'elle voyait la blessait comme ce qu'elle entendait. La façon dont il la regardait à la dérobée l'obligeait le plus souvent à tenir ses yeux sur son assiette. Quand elle les levait, elle le voyait prendre des attitudes mélancoliques ou inspirées qu'elle trouvait grossièrement ridicules. Et quand il parlait, il y avait, dans les discours qu'il adressait généralement à Lady Cappadoce ou dans les moindres mots qui tombaient de ses lèvres, une affectation à la bizarrerie, une tension à la pose dont elle ne pouvait pas ne pas être blessée, elle qui était la franchise même. Cela l'avait frappé le premier jour, et depuis c'était toujours continué. L'un des valets qui faisait le service de table, lui ayant offert du vin, il avait refusé en disant qu'il ne buvait que de l'eau glacée et que plus elle était glacée, meilleure il la trouvait. Elle ne pensait point que boire du vin fût un mérite et boire de l'eau un vice. Mais le ton sublime de cette réponse l'avait choquée. Et comme depuis à chaque instant il en avait eu du même genre, elle dut le juger pour ce qu'il était et pour ce qu'elle méprisait le plus, un comédien. Aussi, quand Lady Cappadoce avait réussi à le retenir, ce qui d'ailleurs n'était guère difficile depuis quelque temps, cherchait-elle toujours à abréger le dîner. Ce soir-là, l'orage lui fournit un prétexte. « Si vous voulez, » dit-elle à sa gouvernante, un peu avant de quitter la table, « nous ferons ce soir un tour dans le parc. Après la pluie, il est agréable de marcher sous bois. » Il n'y avait pas à insister pour garder Nicétas. À son grand regret, Lady Cappadoce, qui au lieu de s'exposer à l'humidité des bois, aurait mieux aimé passer la soirée au coin du piano à entendre de la musique, dut se conformer à cette invitation. En sortant de la salle à manger, Nicétas tourna à droite, Ghislaine tourna à gauche accompagnée de Lady Cappadoce, et tandis qu'elle descendait le perron du vestibule qui accède au jardin, il descendait, lui, celui de la cour d'honneur. Je crois que nous aurions pu garder M. Niceta ce soir, dit Lady Cappadoce, continuant son idée. C'est justement pour ne pas le garder que j'ai proposé cette promenade. Et pourquoi ne vouliez-vous pas le garder? Parce que mon oncle trouve que je fais trop de musique et désire que j'en fasse moins. Il n'aime pas la musique, monsieur de Chambray? Comme il ne convenait pas à Ghislaine de soutenir une discussion sur les idées et les goûts de son oncle, elle ne répondit pas. Mais Lady Cappadoce, qui était outrée, continua. « Je regrette que monsieur de Chambray ne m'ait pas adressé son observation, puisque j'ai la direction de votre travail, c'était à moi qu'elle devait être présentée. Mon oncle n'avait pas en vue les heures du travail, mais celles de la distraction, et c'est pour cela qu'il m'a fait son observation amicale au lieu de vous l'adresser. » Si doux qu'eût été le ton de cette réponse conciliante, il ne désarma point Lady Cappadoce, qui ne savait de quoi elle était le plus furieuse, ou de l'atteinte portée à son autorité, ou de la suppression des séances supplémentaires de musique. « Je ne connais pas de distraction mieux employée que celle qu'on donne à la musique, plus saine, plus morale. » Ghislaine n'avait rien à répondre. Elle était débarrassée de ses dîners, cela suffisait, et pour l'heure présente, plutôt que de discuter, elle aimait mieux être tout au plaisir de la promenade et de la rêverie. Le soir tombait, et de la terre trempée par l'orage, montait avec des buées blanches le parfum des fleurs du jardin, mêlé à l'âcre odeur des herbes et des mousses du parc. Après la chaleur du jour, il était réconfortant de se baigner dans cette fraîcheur, comme il était doux, aux yeux, après les violentes clartés du matin, de se perdre dans les vapeurs grises qui rampaient aux extrémités des longues allées droites. C'était bien à Niceta ce qu'elle allait penser, vraiment, de lui qu'elle allait s'occuper. Chapitre 7. Ce n'était point l'habitude de Nicétas d'être affable pour les domestiques de Chambray. Hautain, au contraire, et dédaigneux avec affectation, à ce point que ceux qui avaient de l'autorité dans la maison s'étaient entendus pour ne pas le servir. Lorsqu'on devait le conduire à la gare, c'était le second cocher que déléguait le premier. Lorsqu'il arrivait, les valets de pied se sauvaient pour ne pas lui ouvrir la porte, et à table, le maître d'hôtel le livrait dédaigneusement aux mains d'un subalterne. Mais ce soir-là, lorsqu'il passa devant le pavillon du concierge, il s'arrêta pour échanger quelques mots avec ce fonctionnaire qui soupait, la fenêtre ouverte, en compagnie de sa femme et de ses enfants. « Bonsoir, bonsoir. »« Bonsoir, monsieur. »« Est-ce que vous pensez du temps, je vous prie ?»« Le temps ? Ah oui, le temps, fameux pour les biens de la terre. »« Je veux dire, est-ce que vous croyez que je pourrais arriver à la station sans pluie ? Oh, pour sûr !» Il salua poliment et sortit, tandis que le concierge et sa femme se regardaient en se demandant ce qu'il pouvait y avoir sous ces questions peu naturelles. Il était parti d'un pas pressé en homme qui a hâte d'arriver, mais il ne tarda pas à ralentir sa marche. Longeant le parc, il s'était arrêté à un endroit où le mur abattu sur une vingtaine de mètres était remplacé par un simple grillage en fil de fer tendu sur des poteaux. Suffisant pour empêcher la sortie des lièvres, des chevreuils et des daims, ce grillage n'était qu'une défense insignifiante pour quelqu'un qui voudrait sauter par-dessus en s'aidant des tas de moellons préparés de chaque côté des fondations commencées. À cet endroit, il n'y avait pas de maison le long de la route vis-à-vis le mur, seulement des champs et des prairies à cette heure désert. Il regarda autour de lui et ne voyant personne, n'entendant aucun bruit, il enjamba par-dessus le grillage. Il était dans le parc d'où il venait de sortir en prenant soin de faire constater sa sortie par le concierge. Rapidement, il se dirigea vers le château, mais en s'arrêtant de temps en temps pour écouter et regarder. Il ne tarda pas à entrer dans les jardins, et bientôt à arriver au berceau d'If où dans l'après-midi il s'était assis. Mais à ce moment, il ne pouvait plus être question de reprendre cette place où il se trouverait en vue du château. Aussi s'embusqua-t-il derrière, ne risquant qu'un œil par le trou qui s'était fait dans ce mur de verdure. Autour de lui, tout était silencieux. Depuis longtemps, les jardiniers étaient rentrés chez eux, et c'était dans une partie opposée du parc que Ghislaine et Lady Cappadoce avaient dirigé leur promenade. Il n'avait donc pas à craindre que personne vînt le déranger. À ce moment même, une femme de chambre parut à l'une des fenêtres de l'appartement de Ghislaine, et tirant les volets, elle les ferma. Puis elle passa à une seconde, et ainsi successivement pour toutes, une seule exceptée qu'elle laissa ouverte, en se contentant de rapprocher les volets de façon à ce que l'air frais du dehors pénétrât à l'intérieur. De derrière son abri, il voyait le bonnet blanc passer sur le fond sombre de la chambre, et de temps en temps, dans le calme du soir, il entendait grincer sur leurs tringles de fer les lourds rideaux qu'elle manœuvrait. Le ménage dura assez longtemps, puis une porte claqua, et rien ne troubla plus le silence. Son travail fini, la femme de chambre était partie pour ne plus revenir, et maintenant cette partie du château se trouvait abandonnée, le personnel domestique dînant tranquillement à l'office dans l'aile opposée. La nuit se serait faite depuis quelques instants déjà, si la lune en se levant n'avait ajouté sa lumière frisante aux dernières lueurs du couchant. Mais cependant les ombres commençaient à être assez confuses pour que Nicétas pût ne pas craindre d'être aperçu si, par extraordinaire, quelqu'un regardait de ce côté. Sortant de derrière sa cachette, il vint s'asseoir dans le berceau, où il resta près de 10 minutes, se levant brusquement, se rasseyant aussitôt, en homme qui balance une résolution prise, abandonnée et reprise. Enfin, quittant le berceau et se baissant de manière à ce que sa tête ne dépassât point les arbustes et les plantes des plates-bandes, marchant sur les bordures gazonnées pour que son pas ne criât pas sur le gravier, il se dirigea vers la fenêtre restée ouverte. Son appui n'étant pas à plus d'1,50 m du sol, il l'escalada facilement et se trouva dans la chambre de Ghislaine. Il respira et regarda autour de lui. Bien des fois, avant cette soirée, il l'avait examinée en se promenant dans le jardin, et il connaissait sa disposition comme son ameublement. Ses 6 fenêtres sur 3 faces, le lit à baldaquin dont le chevet était adossé au mur, le paravent à 6 feuilles, ses grands fauteuils en bois doré. Mais dans la demi-obscurité où la plongeaient les volets et les rideaux fermés, il fut un moment à se retrouver. Peu à peu cependant, et successivement, chaque chose se fit distincte en prenant sa forme réelle. Alors, allant à une des fenêtres fermées, il souleva un des rideaux et reconnut que, comme il le présumait, l'embrasure était assez profonde pour qu'on pût se cacher là en toute sûreté. Par leur poids et leur épaisseur, ces rideaux en velours ciselé formaient une sorte de mur, et il n'était pas vraisemblable que quand Ghislaine rentrerait, elle irait en petite fille peureuse soulever chaque rideau pour voir si un voleur n'était pas embusqué derrière. Maintenant que la première partie de son plan avait réussi, il n'avait qu'à réfléchir à l'exécution de la seconde, et il était bien aise d'avoir quelques instants à lui, avant le retour de Mademoiselle de Chambray, pour se calmer. Mais ce ne fut pas le calme qui lui vint. À mesure que le temps s'écoulait, son agitation enfiévrée le dévorait, et par moments, étouffé derrière les rideaux, il sentait la sueur qui coulait de son visage lui tomber sur les mains. Enfin, il entendit une porte s'ouvrir, et une lueur glissant par les 2 côtés des rideaux éclaira sa cachette. Le bruit des pas lui dit que Ghislaine n'était pas seule, comme il avait imaginé qu'elle le serait. Qui l'accompagnait? Une femme de chambre ou Lady Cappadoce? Faut-il fermer la fenêtre? C'était une femme de chambre. Non, répondit Ghislaine, je la fermerai plus tard. Mademoiselle n'a pas besoin de moi? Pas du tout. La femme de chambre se retira en fermant la porte. Presque aussitôt la lampe fut éteinte, et Ghislaine s'assit dans un fauteuil en face de la fenêtre restée ouverte. Il attendit quelques instants que le silence se fût établi, puis s'écartant doucement l'un des rideaux, il fit 3 ou 4 pas en avant. « C'est vous, Jeanne ?» demanda Ghislaine, n'admettant pas la possibilité qu'une autre personne que sa femme de chambre fût là. « Non, mademoiselle. » Elle poussa un cri en se levant d'un bond. « Ne craignez rien. » Il s'était avancé, et dans le cadre clair de la fenêtre, il la voyait haletante. « N'approchez pas, j'appelle. Vous n'avez rien à craindre de moi, rien, je le jure. Pourquoi êtes-vous ici? Comment? Il faut que je vous parle, il y va de ma vie. » Elle avait eu le temps de se remettre, et le premier moment d'affolement passé, de reprendre courage. « Je n'ai rien à entendre ici, en ce moment. » Instinctivement et sans s'en rendre compte, elle parlait d'une voix étouffée, peut-être parce que lui-même avait pris ce ton. « Partez, monsieur, demain je vous écouterai. » Comme il ne bougeait pas et la regardait avec des yeux ardents qu'elle voyait briller dans l'ombre, car il faisait face à la fenêtre, elle continua. « Me forcerez-vous à sonner ?»« Vous ne sonnerez pas. »« Qui m'en empêchera ?»« Vous-même. » »« La réflexion. » »« Le souci de votre réputation. » »« Que penserait-on ? » Que dirait-on si, répondant à votre coup de sonnette, on nous trouvait en tête à tête, la lampe éteinte dans votre chambre ? Cette pensée ne lui était pas venue à l'esprit. C'était vrai. Que dirait-on ? Jusqu'où irait le scandale ? C'était le calme, le sang-froid qu'elle devait appeler seuls à son aide. « Alors, monsieur, parlez. Que me voulez-vous ? » Il avait été un moment démonté, mais en voyant ce changement d'attitude, l'assurance lui revint, et il fit encore quelques pas vers elle. « Vous dire ce que mes regards vous ont répété 100 fois, que je vous aime, que je vous adore. » Éperdue, elle jeta ses deux mains devant son visage, mais tout de suite elle les abaissa en relevant la tête pour le regarder en face. « Et c'est pour me faire cet outrage que vous vous êtes introduit ici ? Partez, monsieur !» Il se mit à genoux, séparé d'elle par le fauteuil qu'elle venait de quitter. Mais cette pose de soumission respectueuse ne calma pas l'indignation de Ghislaine. « Quelle idée vous êtes-vous faite de moi, que vous avez pu admettre la pensée que je vous écouterai ? Et vous, quelle idée vous faites-vous de mon amour, de trouver un outrage dans son aveu ? Qu'ai-je demandé ? L'outrage est de vous être introduit dans cette chambre. Il est dans votre aveu, dans votre attitude. Relevez-vous, monsieur, et partez. Partez, partez. » À chaque mot, l'accent s'était exaspéré. Ce n'était pas seulement sa pudeur et son honnêteté, sa dignité et sa fierté que cette brutale déclaration blessait. C'était aussi ses rêves et ses espérances, ses plus chères croyances. Combien souvent avait-elle pensé à la première parole d'amour qu'on lui adresserait ? Quels rêves radieux avait-elle fait en les poétisant, en les idéalisant de tout ce que son imagination inventait ? Et voilà quelle était la réalité. « Partez ! » répétait-elle. « Pas avant que vous m'ayez entendu. Je n'ai rien à entendre. Je ne veux rien entendre. Cette insistance est odieuse. Si vous êtes un homme d'honneur, ne le sentez-vous pas ? Partez. » « Je ne partirai pas. » « Eh bien, moi, je pars. » Mais elle n'avait point fait deux pas vers la porte que, se relevant, il se plaça devant elle, les bras étendus. « Vous ne passerez pas. » Elle recula. « Ne comprenez-vous pas que si je me suis décidée à cette résolution désespérée, c'est que je ne suis pas maître de mon amour ? C'est lui qui m'a amenée ici contre toute raison. » « Contre ma volonté, c'est lui qui m'oblige à parler. Je vous aime, je vous aime, je vous aime. Mais c'est cela que je ne veux pas entendre. Et moi, c'est cela que je veux vous dire, redire, répéter. Je vous aime. Et quel mal, quel outrage vous fait mon amour. Il ne demande rien que de ne pas rester ignoré. Vous savez que je vous aime. Je vous vois, je suis heureux. Eh bien, je le sais, partez. » « Oui, je partirai, puisque ma présence ici vous jette dans cet émoi. Mais pas avant que vous ne m'ayez promis que cet aveu ne changera rien à ce qui est. Je comprends que vous soyez blessé qu'un homme payé par vous, qui est à vos ordres, ait osé lever les yeux jusqu'à vous. Mais si cet homme n'est aujourd'hui qu'un pauvre musicien, l'espérance, cependant, lui est permise. Que m'importe tout cela, puisque je ne ferai pas cette promesse. Jamais je ne permettrai qu'un homme qui m'a parlé, comme vous venez de le faire, se retrouve à mes côtés. Cette fierté que vous invoquez pour vous doit vous faire comprendre la mienne. Elle ne subira pas plus longtemps votre présence. Si vous ne voulez pas partir, quoi qu'il puisse en advenir, je sonne. » « Je vous en empêcherai bien. Alors j'appelle. » Ils se regardèrent un moment en silence, et Ghislaine ne baissa pas les yeux. Il y avait dans son attitude, dans le port de sa tête, dans son regard, une résolution qui surprit Nicétas. Celle qui se tenait droite devant lui n'était plus la jeune fille, la petite fille, l'élève qu'il était habitué à voir depuis 1 an. Ce qu'elle disait, elle le ferait. Alors, qu'arriverait-il ? « Et si je partais ? » dit-il. C'était un marché qu'il lui proposait. Elle ne voulut pas comprendre. « Partez ! » dit-elle. « Au moins, vous vous souviendrez que je n'avais que le bras à étendre pour vous empêcher de sonner, que je n'avais qu'à vous mettre la main sur la bouche pour que vous ne puissiez pas appeler, et que cependant je suis partie. Vous vous souviendrez que je vous aime et ne demande qu'à vous aimer, silencieusement, respectueusement. » Pendant qu'il se dirigeait vers la fenêtre, elle reculait autour du fauteuil. Il enjamba l'appui. « Vous vous souviendrez. » Chapitre 8. Quand il se trouva en pleine campagne et regarda sa montre, il vit que l'heure était trop avancée pour qu'il pût prendre le dernier train de Paris. Que faire ? Sa résolution fut vite arrêtée. Il n'avait qu'à aller coucher chez Soupère. Quelques kilomètres à travers les champs par cette belle nuit lumineuse n'étaient pas pour l'effrayer. Si, en arrivant à Palaiseau, la porte du vieux maître était fermée, il frapperait et on lui ouvrirait. Hospitalier Soupère, et habitué à recevoir ainsi, quelquefois, la visite de noctambules égarés. La route lui était connue. Il n'avait qu'à aller droit devant lui par la campagne déserte et les villages endormis. Personne pour raconter qu'on l'avait vu à cette heure aux environs de Chambray. Dans la plaine silencieuse, on n'entendait que le cri articulé des perdrix et de temps en temps les aboiements des chiens de berger qui le poursuivaient quand ils longeaient une pièce de trèfle où ils gardaient leurs moutons parqués. Dans le lointain aussi, les sifflets des trains de la grande ligne derrière les collines de Montlhéry. Tout en marchant à grands pas, la tête basse, il était encore dans la chambre de Ghislaine, se demandant comment il en était sorti et pourquoi. Pourquoi ne l'avait-il pas prise dans ses bras ? Avant qu'elle eût appelé, il lui eût fermé la bouche. Il ne comprenait pas encore comment il s'était laissé dominer. Quel prestige exerçait-elle donc qu'il lui avait obéi si docilement ? Si bêtement. C'était bien la peine vraiment de se jeter dans cette aventure pour arriver à cette sortie piteuse. Partez ! Et il était parti. Maintenant, il s'agissait de savoir comment elle allait prendre cette soumission. Se souviendrait-elle comme il lui avait demandé ? Ou bien sa fierté persisterait-elle comme elle l'en avait menacé ? La veille, il aurait cru au souvenir. Maintenant, en retrouvant Ghislaine si ferme devant lui, il avait peur de la fierté. Allant de l'une à l'autre de ses questions, les examinant, les retournant, mais sans s'arrêter à rien de satisfaisant, il fut tout surpris de se trouver à Palaiseau qu'il traversa. Pas une maison ouverte, pas une lumière derrière les volets clos. Certainement il serait obligé de réveiller Soupère pour se faire ouvrir. C'était au haut de la côte, sur le plateau de Saclay, au milieu de la plaine, que se trouvait la maisonnette où Soupère était venu échouer, heureux encore d'avoir cet abri où il vivait entre sa femme et sa belle-mère, l'ancienne blanchisseuse. Entourée d'un jardin du côté des champs, elle était en façade sur la grande route de Versailles, et c'était sur cette disposition que Nicétas comptait pour se faire ouvrir en cognant à la porte. Mais il n'eut pas besoin de cogner. Comme il approchait de la maison dont il voyait déjà la façade toute blanche éclairée par la lune, il crut entendre dans le calme de la nuit un piano. Soupère faisant de la musique ? Voilà qui serait étrange. Si étrange que cela pût paraître, c'était bien Soupère. Non seulement il jouait du piano, mais encore, de sa voix cassée et chevrotante, il chantait la romance du ténor des Abencérages, celle qui 20 ans auparavant avait eu une si grande vogue. Nicétas n'était pas dans des circonstances à s'attendrir sur les autres. Cependant, il fut ému, et avant de frapper, il voulut attendre que la romance fût achevée. Comme il avançait la main vers le volet, il entendit le tremblement d'un goulot de bouteille sur le bord d'un verre, alors il frappa. « Hola, qui est là ?»« Moi, maestro. »« Qui, toi ?»« Nicétas. » »« Le bambino ?»« Ah, par exemple. »« Attends, attends, j'y vais. » La porte ouverte, Nicétas se trouva dans une pièce assez grande qui servait à la fois de salon, de salle à manger et de cabinet de travail. Un piano à queue, reste d'ancienne splendeur, en était le meuble principal, avec une immense bergère recouverte en velours d'Utrecht. « Tu arrives de Chambray, » dit Soupère, « et tu viens me demander à coucher. »« Si vous le voulez bien. » »« La bergère te tend les bras, mais avant nous allons prendre un grog. » Sur la table était posée une bouteille d'eau-de-vie, dont le bouchon était retenu par une ficelle, une carafe d'eau et un verre. Soupère prit un autre verre dans le buffet, et tendit la bouteille à Nicétas de sa main tremblante. « Tu dois avoir soif. »« Un peu. »« Comme tu dis cela. » Il le regarda en face. « Est-ce que tu as fait de mauvaises rencontres en chemin ? Tu es troublé. » « Mais non. Tu sais que je ne me trompe pas au timbre de la voix. Tu as quelque chose. Mais restons-en là si tu ne veux pas répondre. Tu me connais pas curieux. À ta santé, mon garçon. » Il vida d'un coup la moitié de son verre, et en le reposant sur la table, il continua de façon à changer de conversation. « Tu es toujours content de mademoiselle de Chambray ? Fameuse élève que je t'ai donnée là, n'est-ce pas ? Elle est douée, cette petite, et jolie. À ton âge, j'en serais devenu amoureux. Mais il n'y a plus d'amoureux, regardant le verre de Nicétas encore plein, comme il n'y a plus de buveurs. À quoi bon la jeunesse, si vous n'en faites rien ? Et qui vous dit que je n'en suis pas amoureux ? De mademoiselle de Chambray ? Il y eut un moment de silence. Soupère, les deux coudes sur la table, regardait Nicétas qui, lui, regardait vaguement les fleurs du papier de tenture. « C'est justement cet amour, dit-il enfin, qui vient de me jeter dans une aventure laquelle m'amène ici ce soir. » Incertain et perplexe, Nicétas était dans des conditions où le besoin des confidences force les lèvres les plus étroitement fermées à s'ouvrir. Soupère avait eu des histoires d'amour assez extraordinaires pour qu'on pût parler d'amour avec lui. Avant de devenir le vieux bonhomme dévoyé et tombé qui ne pensait plus qu'à boire, il avait été un vainqueur. Du doigt, Soupère montra le plafond. « Les femmes dorment, dit-il. Tu peux parler. » Cette invitation directe décida Nicétas. « Puisque vous auriez été amoureux de mademoiselle de Chambray, dit-il, vous ne devez pas vous étonner que je le sois devenu. » « Ce serait le contraire qui m'étonnerait. Une jolie fille, un garçon comme toi, pour toute surveillante, une vieille folle, c'était écrit. Quand je me suis aperçue que je commençais à l'aimer, et ça a été tout de suite, j'ai voulu me défendre contre ce sentiment. Nicétas amoureux de la princesse de Chambray, la belle affaire, vraiment, où pouvait-elle me conduire ? Je te l'ai dit, Bambino, pas de jeunesse. La jeunesse ne se demande jamais où les mouvements de son cœur peuvent la conduire. Elle va, et de l'avant. Comme je me donnais toutes sortes de raisons, et elles ne me manquaient pas, pour me détacher, votre exemple, maestro, a pesé sur moi. Ne vous êtes-vous pas fait aimer par une femme qui, par la naissance, était l'égale de mademoiselle de Chambray ? Elle lui était supérieure. Et comme moi, vous n'étiez qu'un musicien. Oui, mais avec le prestige du talent. Enfin, je ne me suis pas détaché. Au contraire. Après chaque leçon, je me retirais plus épris, possédé. Je l'aimais passionnément. Et elle ? Nous allons y arriver. Je passe sur le développement de mon amour, sur ses espérances et ses craintes. Je connais ça. Et j'arrive à ce soir, décidé à lui parler. Ah, tu es l'homme des discours, toi. Elle était donc disposée à t'écouter ? Je n'en savais rien, et c'était justement pour le savoir que je voulais lui parler. Ce soir, après avoir dîné au château, pendant qu'elle faisait une promenade dans le parc, je me suis introduit dans sa chambre, et quand elle est entrée, je lui ai dit mon amour. Et puisque te voilà ici, je devine la réponse, flanquée à la porte. Elle m'a demandé de partir, oui. Et comme je l'aime, je me suis laissé toucher par son émoi. Je suis parti. C'est ce que j'appelle flanquer à la porte. Et maintenant, que va-t-il arriver ? Je vous le demande. Affaire mal engagée. « Que diable veux-tu que je te réponde ? Je n'ai jamais passé par là. Vois-tu, en amour, il y a trois façons de procéder. Écrire, ce qui est à l'usage des enfants. Parler, ce qui est la manière des très jeunes gens. Agir, ce qui est celle des hommes. Moi, j'ai été homme tout de suite. Et j'ai épousé une femme qui, comme tu le dis, était l'égale de mademoiselle de Chambray. Ce qui ne serait pas arrivé, je t'assure, si j'avais eu l'idée juvénile de lui adresser un beau discours. Il n'y a pas eu à me répondre. » Elle d'abord, la famille ensuite, n'ont eu qu'à accepter un mariage indispensable. Alors c'est elle qui a parlé pour moi. Tandis que dans ta situation, je ne vois pas ta rentrée auprès de mademoiselle de Chambray facile. Tu es partie. C'est justement ce qui prouve mon amour. Si tu veux. Mais rentrée, peux-tu te présenter devant elle comme si rien ne s'était passé entre vous ? Quel jour donnes-tu ta leçon ? Lundi. Eh bien, lundi, peux-tu arriver à lui dire tranquillement « Qu'est-ce que nous jouons aujourd'hui ?»« Je vous le demande. »« Je n'en sais rien. Crois-tu qu'elle va accepter près d'elle un maître de musique qui lui a déclaré sa flamme et auquel elle a répondu « Partez ?» Si mademoiselle de Chambray avait été une curieuse ou une gaillarde disposée à trouver dans cet amour des distractions ou autre chose, si même elle n'avait été simplement qu'une coquette, elle ne t'aurait pas flanqué à la porte. « Tu y es. Je ne sais vraiment pas comment tu rentreras. » car je ne serais pas du tout surpris si demain ou après-demain, Lady Cappadoce, de sa longue et grande écriture anglaise, t'écrivait que les leçons d'accompagnement sont momentanément suspendues. Tu comprends que sans rien avouer,